point pété. Ce point pété. C'est le... C'est... C'est le point pété. Le point pété, c'est... Le point pété. C'est lui. C'est celui-là. C'est le point pété. Le point. Le point pété. Le point. Le point pété. Le point. Le point pété. Le point. Le point pété. Le point pété. Le point. Le point pété. Le point. Le point pété. Le point. Le point pété. Excuse-moi, j'ai bien. Ça tourne en boucle là, c'est. Bah non, c'est le jingle, il est comme ça, il a toujours été comme ça, je vois pas pourquoi on changerait. Ah mais je veux dire, est-ce que ça a commencé? Mais bien sûr ça a commencé, je vais dire en direct. Alors bonsoir à tous, bienvenue dans le point pété, le deuxième point pété de l'histoire des points pétés. Je suis avec mon cher co-animateur Julien, ça va? Ouais, ça va. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus près du micro? Oui, je peux, mais je voudrais pas que le micro s'évanouisse. Parce que là j'ai quand même une sacrée haleine, faut le dire. C'est on m'appelle faux. Woody. C'est pas faux. Vous avez jamais vu Toy Story? Alors, si ça saccade, on s'excuse. Mais... S'excuse. Ou ça saccade. Apparemment, ça. White. Oh, mais non. On ouais, a mais non, mais... Une voix. Je suis Barry White. The Devil. Typhon. Bon, c'est pas vrai, vos oreilles. J'ai pas envie que ça saccade. Et... Pourquoi ça pourrait saccader? C'est bien du point pété. Il y en a une qui s'y connaît bien. Jack, mais je pense que il ça vient toujours. Pas marché. Mais en fait, quand je fais des. Et quand je décide de branchement... faire des bancs, parce que finalement ça marche pas bien, mais je vois pas le problème. Le point pété. Ce point pété. C'est le... C'est... C'est le point pété. Le point pété, c'est... Le point pété. Le point pété. C'est lui. C'est lui. C'est celui-là. Attends, c'est celui-là. Chill. Retour du point pété, bah on espère que ça marche maintenant, que c'est pas trop saccadé. Alors il faut savoir que ça vient pas de nos branchements, parce que tous les jours je fais un point conf et ça marche à chaque fois. Dites-nous si c'est un cadeau. Mais putain, ça marche. Mais Julien... C'est magnifique. Ça marche ou pas, bande d'enculés? Bande de petits enculeux. Yama, ils font pas que des motos. Hein. C'est des super synthés, quoi. Non, on n'a pas fait exprès minuit pile. Bon bah, c'est parti. Julien, c'est reparti. Ça marche? Ça marche. On est... Alors, attends. Julien... Oh my god, ça marche. On envoie le mini-jack, là. On envoie le mini-jack à côté, d'accord. Attends, on envoie le mini-jack. Attends, on entend quand même... On attend quand même que la musique du jingle, elle se termine... Thomas, est-ce que tu nous entends? Mais non, mais Julien, on ne l'a pas encore branché, attends. Oui, mais comme ça, il peut nous faire un retour en direct de si ça marche. Mais non, mais moi, j'ai les gens sur le Discord, ils disent que ça marche. Typhon a dit, ça marche, mais on n'est pas des enculés. Mais vous êtes quand même des enculés, même si ça marche. Je ne comprends rien à la technique. Bah non, tu comprends rien. À la tacotique, à la tic-tac. Allez hop, on a notre premier invité. En plus, on est en ligne avec lui et en plus, on est en visio avec lui. Comme ça, on voit sa gueule d'enculé. Non, on enlève. Vous voulez qu'on enlève cet effet? Est-ce que l'enfer... Ah putain, il y a un retard. Il y a un décalage Thomas, de ouf. Thomas, faut que t'enlèves la radio. Vous voulez qu'on enlève cet effet? Il y a trop le retour. Thomas, faut que la radio. Thomas, il y a un décalage de Thomas, faut que t'enlèves la radio. Laisse-le. Attends. Mais moi, je suis avec un casque, donc c'est pas moi qui... C'est pas... Non. Bah, alors attends, vas-y. Non, ça peut être que toi, parce que clairement, nous, ouais, on n'est pas branchés sur Radio Bon Con. Alors, c'est que ton casque est très fort. C'est des écouteurs... C'est des casques écouteurs ouverts. Il s'écoute, le petit coquinou. Ça y est, ça... Alors, Thomas, dis-nous, qui es-tu ? Alors, c'est que ton casque est très fort. Non, mais il y a... C'est impossible, c'est impossible. Alors Thomas, dis-nous qui es-tu? Ben Thomas. Mais non, mais alors Thomas, t'écoutes pas la conversation, t'écoutes la radio des bons cons là. Si t'écoutais la conversation Messenger, parce qu'il y a un décalage d'au moins 10 secondes entre la conversation Messenger, entre Radio Bon Con, entre ce qu'on dit vraiment et Radio Bon Con. C'est vraiment le point pété là. Bon bah Thomas, merde. Thomas, on entend ton messenger, on entend tes sons d'ordi en fait, c'est ça je crois. Thomas. Ah, il y a peut-être un peu sur son ordi, un peu sur le un peu sur le téléphone. We don't know, we can't. Alors est-ce que si... Bon Thomas, est-ce que vous êtes avec nous? Thomas, êtes-vous avec nous? Bon, écoutez, Thomas n'est pas avec nous, c'est pas grave. On a des surprises pour vous ce soir, donc on va en profiter pour commencer par une première surprise, Julien. Yes. Et on commence par quoi? Je sais pas trop par quoi commencer, mais il y en a plein. Ce qui devait être le générique. Ce qui devait être le générique. Première surprise, Julien. Je sais pas. Yes. Bon, coupe ça là, parce que les retours, c'est atroce. On va rester entre nous, on est bien entre nous. Allez, c'est parti pour un premier jingle de tous les jingles qu'on a créés mercredi quand on était un peu pété. Puis on va essayer de trouver, soit de retrouver Thomas, soit de retrouver un autre invité. À tout de suite. C'est l'heure du point pété. Branche ton Walkman et écoute. Le point pété va tout déchirer. Le point pété. On est toujours sur le point pété. Alors attendez, parce que là du coup j'ai enlevé l'effet parce qu'il y avait un peu un débat sur le Discord pour savoir si l'effet était bien ou pas. Julien, est-ce que tu peux parler pour que je re-règle ton micro? Bon, j'ai toujours l'effet. Pff, ta gueule. Non, c'est bon, ça marche bien. Très bien, ok. On comment est reparti. Elle m'a cassé, démonté, quoi. Ta gueule. T'as dit cassé, démonté. On va essayer de retrouver. Cette fois-ci, c'est la bonne. Dans le bras, bras. Ah ouais, mais attends. Mais non, mais j'ai pas le bras assez long, enculé. Ah, enculé. Eh, je m'excuse, hein. Tonnerre de Brest. Ouais. Thomas, tu nous entends-tu? Attends, apparemment, ça saccade. Mais alors, je comprends pas pourquoi ça saccade. Est-ce que ça saccade toujours? Alors, ça me casse les couilles. Oui, voilà, c'est quand Julien remet son ordi. Donc, c'est ton ordi qui prend toute la connexion. Donc, tu peux éteindre ton ordi, Julien. Non, mais éteins-le. J'éteins le wifi. Est-ce que ça marche mieux? On pense que c'est quand Julien allume son ordi parce que c'est un Mac et que les Macs. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est si juste qu'on sûr. Est plusieurs sur le même truc. Moi, je veux avoir des... Ah, bah voilà. Donc, là, Julien, clairement, ça vient de ton ordi. C'est pas mon ordi, c'est le fait qu'on... C'est pas le... Si, ça vient de ton ordi. Mon ordi, qui sera en cause. C'est l'ordi, Julien, qui est en cause. C'est... On est trop sur mais non, mais, le Wi-Fi. Mais Thomas, on va l'appeler... Pourquoi tu l'appelles sur en visio? Ça sert à rien, on l'appelle sur par téléphone. Mais moi, j'aime bien voir les gens. Thomas, est-ce que j'ai son numéro? Toi, t'as son numéro? Appelle. Ah, mais je l'ai, son numéro. Je l'appelle tout de suite. J'aime bien voir les gens à qui je parle. Mon petit Thomas, on vous appelle. On va entendre tout de suite. Mais en attendant, on va vous faire écouter une autre surprise parce qu'on est des... Ce serait quand même plus drôle s'il y avait une vision globale, si tout le monde nous voyait. Écoute, la vie est mal faite. Tu vois, mais non, on pourrait faire ça. Ah non, si, on pourrait. On pourrait, mais on le fait pas parce qu'on est des enculés. Allez, un autre petit truc. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? On va mettre... Ah, je sais, on va mettre ça. Ici, Hubert Félix Pété. Vous écoutez le point pété. En fait, c'était trop court pour que j'aie le temps d'appeler Thomas en attendant. Donc, c'est pas grave, vu que c'est le point pété, on aura l'appel de Thomas en direct. Hop. Allez. Waouh, ça fait mal. Oui. Ah, Thomas, vous êtes là avec nous. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais je sais pas ce que c'est que ce bordel. Un moment, je vous entends. Après, je vais pisser. Je reviens. Ah mais Ophélie, je gère plus la technique parce qu'elle est pétée. Je reviens de pisser, je n'entends plus rien, je ne comprends plus, je ne sais plus. Ah ça, c'est peut-être que t'as des problèmes d'oreille. Après, si tu t'entends pas pisser... Enfin, quand on s'entend pas pisser, c'est pas très grave. Quand on se sent pas pisser, là c'est quand même un autre problème. Oui, bien sûr, oui. Quand on s'oublie. Je me resserre un petit. Je me suis oublié dans mon pantalon. Voilà. Moi aussi, j'ai fait un picon bière, mais vraiment à ras-bord. Je pense que le temps que le verre arrive à ma bouche, il y en aura plein le micro. Mais non. Bon alors Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre plus grosse pété? C'est bon. Ma plus grosse pété? Ouais. Eh ben, la plus grosse pété, on s'en souvient jamais. C'est pas faux. Il y en a eu d'autres, bien sûr, il y en a eu d'autres. Je crois que... Non, moi c'est quand j'ai arrêté de fumer que j'ai pris mes plus grosses caisses. Parce qu'en fait, à la place de... Avant, c'était un verre, une clope. Après, c'était un verre, quoi. Donc, vous avez remplacé les verres par des verres. Les clopes se sont remplacées par des verres. Et donc, j'ai jamais été autant bourré, autant malade. Je n'ai jamais autant vomi que quand j'ai arrêté de fumer. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Alors, Thomas, en fait, j'avais préparé des questions pour nos invités du Point Pété. Et... hier, sans faire exprès, j'ai fermé mon document sans l'enregistrer, bien sûr. Et tout à l'heure, j'ai repréparé ces questions et j'ai refait la même chose. Mais non, mais ça, c'est vraiment une erreur de débutant. Ah non, attends, je crois que je l'ai. Alors que maintenant, on peut bosser sur Google Doc et ça enregistre tout seul. Mais est-ce que ces questions étaient réellement pertinentes? Non, mais attends, ces questions, je les ai retrouvées. Thomas, je les ai retrouvées. D'accord, ces questions. Okay. Donc je vais t'en poser quelques-unes. Comme ça, j'en pose genre à chaque invité. Oh putain, je suis en train de lire la question. Mais quand est-ce que tu fais ça? Vous connaissez. Quand tu dors. Quand est-ce que tu écris tout ça là? Il y a un document Word. Ma capacité pour savoir-faire à répondre du tac au tac qui est de l'ordre de 0 sur 100 à peu près. Donc, oui, mais t'as le temps de réfléchir. T'as le temps de réfléchir. Regarde, tu vas faire une gorgée. Une réponse, et comme ça tu fumes pas de clope. Voilà, c'est d'accord, ça. Tu tires une taf, tu vas rêver. Alors... Alors, ça fait trois choses à faire en même temps, du coup. Alors, Thomas, première question. Avec quelle personne ne voudrais-tu pas du tout être coincé dans un ascenseur? Avec quelle personne je voudrais pas être coincé dans un ascenseur? putain. Effectivement, tu n'as aucun répondant. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop point pété pour répondre à ce genre de questions? Non, justement. Mais écoute, en fait, il n'y a pas de question après. Pourquoi? Donc, tu dis ce que tu veux. Ouais, non, c'est juste que... Non, je crois que... je crois que tout simplement avec une personne de ma famille. Ah bon? Oh, waouh. Moi, tu t'entends pas bien avec ta famille. Je suis pas trop femme-femme. Femme-femme. Femme-femme-famille. Deuxième question pour vous, monsieur Thomas. Quelle odeur étrange aimes-tu le plus? C'est trop bien parce que, franchement... Tu sais que j'étais tombé sur un article, il y a... Enfin, un article, genre de d'article, titre putaclic, là, qui tourne sur Facebook, que sentir ses pets est bon pour la santé. Oui. Mais tu sais pourquoi? Et vas-y, dis-moi pourquoi. Eh bien, je sais pas. Barry White. Non, si. Mais non, j'ai plus la voix Barry White. Ah, oui, non, là, il n'y a pas d'effet, c'est ma vraie voix, hein, les gars. Je voulais vous dire que, voilà. Non, tu sais pourquoi? C'est parce que ça te donne une indication sur ta santé, en fait, quand tu sens ton P. Quand tu fais un P qui pue vraiment à la mort, c'est que tu as très mal digéré quelque chose et que c'est, ça va. Ah, bah oui, forcément. De toute façon, tu vois bien quand tu fais un. Là, par exemple, en ce moment, je suis sous. Mais pourtant, vous-même, Julien, depuis que vous mangez sainement, vous avez quand même. Enfin, moi, j'ai passé quelques soirées avec vous. Vous avez quand même des pets qui sont horribles depuis que vous mangez. Alors, je sais, vous faites référence à la période où je passais mes semaines à faire des saladiers de houmous. Et du coup, quand on passe son temps à bouffer des pois chiches. C'est à l'époque où je m'étais mis à la muscu et je bouffais. Alors, je faisais houmous et des œufs. Et je bouffais à peu près 8 œufs. C'est ça, il y avait des espèces de pâtés à base d'œufs. Là, ouais. Et alors, effectivement, quand on bouffe ça, voilà. Là, manger sain, manger pas sain. Non, mais après, mais voilà, c'était un signe que mon ventre digérait très mal tout ça, quoi. Non, en fait, c'est vraiment ça. C'est une période de transition entre la malbouffe et la bonne bouffe. Et donc, ouais, transition. Ouais, de toute façon, c'est la même étymologie, transition. Transit. Bah oui, effectivement. Mais donc, ça, c'est quand même que mon explication est quand même correcte parce que c'est que vraiment, c'est un indicateur de la santé de ton transit. Et si ça va à la selle, ça va tout court, quoi. D'accord. Et alors, je vois marqué Jurassic Park, là, qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi? Je sais pas, j'ai vu. Non. J'ai une autre question pour vous, Thomas. Bien sûr, j'ai une autre question. Donc l'odeur étrange, c'était que tu aimes, c'est épais, quoi. C'est épais. Bien sûr, bien entendu. Oui. Alors moi, j'ai surpris Ophélie quand il y a deux jours, quoi, en train de secouer la couette. N'importe quoi. Genre le matin, quand sous la couette, c'est tout chaud, elle secouait la couette comme ça. Mais on aurait dit telle une vague pour sentir son pied. Mais c'est vraiment un monstre. Non, je t'ai vu faire ça. Ophélie, c'était pas un jour, c'était Ophélie, 3 jours. Rassurez-vous, qui ne fait pas ça? Mais oui, mais en fait, c'est... la personne qui dit ne pas faire ça ment. Bien sûr, et en fait, je pense qu'elle était tout simplement en train de consulter son médecin intérieur. C'est l'espèce d'automédication, d'autoconsultation de savoir. Mais c'est clair, et à mon avis, vu la tête qu'elle a fait après avoir senti, le diagnostic était pas bon. Alors, c'est incroyable parce que ce que tu dis, j'en ai aucun souvenir, donc oui, je pense que c'est vraiment normal. Pas vrai. C'est comme les rêves un peu dérangeants, on s'en rappelle jamais. Ben là, voilà, c'est la mémoire sélective, ça s'appelle. Bon, ensuite, autre question pour vous, Thomas. Oui. Oui. Choisis parmi la longue. Je fais un peu de piano en même temps. Yes. Ah, Thomas, est-ce que vous pouvez nous jouer? Alors, si je peux. Est-ce que tu as une bonne oreille, Thomas? Non, si je te dis non, genre une chanson là, si je te dis de nous faire la lambada là, avec ton clavier superbe clavier Yamaha, est-ce que tu peux faire une impro de la lambada là? Yes. Non, c'est un truc de genre peut-être. Ouais, mais non, mais la partie la plus intéressante c'est quand même. C'est un piano extraordinaire qui peut vous lancer des morceaux tout seul. Je fais stop. Putain, le son est assez affreux quand même. Par contre, c'est quand même un espèce de jouet qui il y a une petite doit boîte à rythme avoir, dessus. À peu près mon âge et que j'ai depuis toujours. Depuis toujours. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que Est-ce que quoi? Est-ce que oui? Il y a une bonne question. Est-ce que oui? Thomas, il y a une bonne question sur le Discord qui vient d'être posée. Oui. De Madame Mona qui demande et du coup c'est qui Thomas? C'est qui Thomas? Corono dit j'aime Riel. Non mais il y a une longue conversation derrière. Ah oui. C'est qui Thomas? Thomas, c'est un Agenais, comme la radio de la Agenais. Un Agenois. Un Agenois. Oui. Voilà, qui s'appelle aussi Alf. Voilà, c'est Alf. D'ailleurs, voilà, j'ai retrouvé tout à l'heure son gant. Ah bon? Oui, j'ai retrouvé le gant d'Alf. Bien joué. Bien joué. Bon. C'est bien parce que celle-là tu l'as testé sur nous tout à l'heure. Oui, t'as vu, j'avais pas trouvé la formulation. T'as vu qu'elle matchait bien quand même, et là franchement tu l'as placée. Mais là elle était formulée. Quoi. Elle était formulée comme il fallait. Mais oui. Est-ce que vous avez déjà perdu un gant, Alf? Eh ben. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Combien est-ce que vous avez de manteaux, Alf? Ah, putain, mais en fait, c'est que des privés de jokes. Ah non, mais tu sais, en fait, avant on teste plein de trucs, on te fait parler pour sortir d'accord, plein de dossiers après. Tu m'as fait parler exprès. On te teste. En fait, du coup, ça vient du fait que je me sois acheté des manteaux d'une certaine somme, on va dire, juste avant le confinement. Donc, du coup, ces manteaux ne m'ont servi à rien. Heureusement, comme c'est de la qualité, j'espère qu'ils me serviront l'hiver prochain. Mais voilà, disons que. Et en même temps, juste avant le confinement, il faisait quand même plus très froid. Donc pourquoi ces manteaux? Il y avait justement plusieurs manteaux. Il y avait du manteau. Ah oui, des manteaux à manches courtes, des manteaux sans manches. Il y avait du manteau plutôt léger, sous lequel tu mets juste un t-shirt, par exemple, c'était de la veste légère, voilà. Ah oui, d'accord, mais qu'on appelle voilà, par extension manteau. Ouais. Vous avez acheté une doudoune, quoi. Doudoune sans manche. Vous avez menti, Alf. C'est pas un manteau, c'est une veste. Oh là là. Thomas, je vais vous poser une petite question qui a été posée sur le Discord de Radio Boncon, avant de passer à un autre invité, parce qu'on a all night long, mais quand même, quel est votre animal totem? Question de Madame Mona. Mon animal totem, c'est Alf, non? C'est quoi Alf comme animal? Mais tu vois pas ce que c'est Alf. Oui, mais je vois pas. Quel animal c'est quand même? Mais c'est un extraterrestre. Ah, c'est un extraterrestre. Qui a une grande une trompe à la place du nez. Dont je possède plusieurs. Plusieurs magnets à l'effigie d'Alf, puisque est-ce que vous avez des magnets depuis que j'ai démarré ma carrière d'Alf, en fait, les gens ont commencé à m'offrir des petits goodies. Donc voilà, sans le vouloir, je commence à avoir un appartement rempli de Alf. Okay. Vous avez des magnets, des marionnettes, des pins, voilà. des gants d'Alf. Et des gants d'Alf. Attends, il y a un pangolin. Oui, en fait, c'est de ma faute. Tout ça est de ma faute. C'est vrai qu'Alf ressemble assez à un pangolin. Ah, en même temps, franchement, pangolin, la façon dont ils ont fait cet extraterrestre, il a deux yeux, il a un nez, il a une bouche. Putain, on n'a vraiment pas d'imagination quand on dit extraterrestre. Si je peux me permettre, il y a quelqu'un sur le Discord qui s'appelle Rue Patrice qui dit: à qui es-tu, Alf? À Roméo? Oui, bien joué. Je pense qu'on a. On a là une personne qui est vraiment au top du jeu de mots. Et je pense que Julien, là, tu as un concurrent sérieux. En fait, je n'ai même pas compris. Je pense que le Gandalf. Est-ce qu'on peut expliquer? Gandalf Roméo, côté, d'accord. Ouais, je pense que ça, c'est ton Gandalf, il est aux oubliettes à côté. Bon, j'avoue. Thomas. Et Alf, est-ce que vous faites en principe, vous faites les choses à fond ou plutôt à moitié? Est-ce que vous faites, vous arrêtez half long? Non, Julien. Ouais, bon, ouais. J'adore le rire. Ophélie, elle est dépitée, elle est bon. Ouais, mais elle me regarde en pourquoi mode. Pourquoi je fais cette émission avec cette personne? Elle fronce le sourcil. Pourquoi je dis elle fronce le sourcil? C'est parce que depuis le confinement. On a perdu la pince à épiler. Qu'est-ce que tu dis? Bon, Alf Thomas, est-ce que vous avez un petit mot comme ça avant qu'on se quitte, Harrington? Eh bien, écoute, santé. Écoutez, moi, je suis en train de finir mon ultime bouteille de mauvais vin italien. Et vous en êtes à half bottle ou Vous êtes Half Bottle ou Bon. Bon, ouais, mais de toute façon, ouais. Bon, allez, je vous fais une bise, monsieur bisous, Thomas. Bisous à tout le monde. On se dit à la prochaine. Ce fut laborieux. Non, ce fut parfait. Mais toutefois agréable. Allez, ciao. Hein. Ciao. Yes. C'était Daft Punk, non? Ouais. Si tu l'as... Putain, c'est ouais. Aerodynamite. Ben oui. Mais tout ouais, à mais fait. Ouais. Ouais, tu l'as fait à moitié, tu l'as fait half, quoi. Ouais, mais par contre, je l'ai pris deux tons en dessous quand même parce que. Ah putain, bonne soirée. Est-ce qu'on va pas mettre aérodynamite? Alors attendez, parce que moi je voulais diffuser, on m'a envoyé un oups il y a genre une semaine ou deux, j'ai pas trop de notion du temps. C'est un vieux oups. C'est un vieux oups qui est peut-être un peu démodé. Mais de quelques jours, franchement, de quelques semaines, de quelques jours, je sais pas. Mais en tout cas, je tenais à le diffuser. Non. Et c'est parti pour vos oreilles, j'espère que ça va vous plaire. C'est une chanson de Hubert Félix, Pété. Et un jour vous êtes parti de mon front. Je me sens tout nu sans vous dans ma vie. J'ai l'air con. Si j'avais su qu'un matin je serais là, sauvé et rasé à blanc par une tondeuse que j'ai serrée si souvent. Rasé à blanc. Oh, oh, au parfait sur vous, mon vol, c'est marrant. Je veux dire, j'ai pas eu la main molle en me rasant. Si j'avais su que pour vous, mon front ne serait pas plus assez grand pour vous accueillir comme une verre de confinement. Confinement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas quoi faire, mes sourcils en bataille, fallait pas qu'il s'en aille, wow. Et j'ai tout rasé, je peux plus penser, mes sourcils en bataille, fallait pas qu'il s'en aille, bien sûr c'est moi qui ai eu l'idée, et pourtant... Oh, immédiatement que m'avait manqué le tournant. Tout ce que je peux faire sur moi maintenant que vous n'êtes plus du tout là. L'absence a des torts que rien ne défend. Ces petits sourcils. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bonheur, mes sourcils en bataille. Il fallait que je vous taille. Oh. Je vais me maquiller pour dessiner, pour pouvoir faire du drag. Fallait bien que je vous taille. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bonheur, mes sourcils en bataille, wow. Je vais me maquiller, pour dessiner, pour pouvoir faire du drag, wow. Fallait pas que je me taille, waouh. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre pété. Vive la République, vive la pété. On est toujours pété. Sur le point pété. Sur la radio des pété. Et on est en ligne avec notre nouvel invité pété. Qui êtes-vous? Un vie pété. Un peu pété. Bonjour. Vous êtes un peu pété. Un peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas du tout. Peu pété, du coup, en fait, on n'était pas prêt à ça. Donc voilà, on vient de sortir 3 bières là. Alors là, j'ai à présent une Allez, bière, il faut en boire un une. Verre, faut un en verre boire. De vin blanc. Il manque quoi? Faut boire un des trucs cul sec avant de parler. Un quoi? Ok, ah non, je peux pas boire. Choisis, choisis. La bière ou le vin blanc. On vient de finir la tartiflette en plus là. Bah, ça peut être la tartiflette cul sec. Attends. Non, elle est finie. Attends. Faut choisir. Je commence. Parce que sinon. Là, je suis en train de faire. C'est dégueulasse. Franchement, en plus, c'est très bon le vin blanc de monsieur le cuisinier. Du vin blanc de cuisine, en principe, c'est du Sevebel, c'est vraiment, c'est du vin blanc de cuisine, quoi, c'est de la merde. C'est hyper négligent, Julien. Ouais, mais écoute, on va pas mettre du bon vin blanc pour le. Pour ça cuisiner. Fait quand même plaisir de t'entendre. Ah. Ça me donne envie de savoir à faire du basilic, parce que là, figure-toi qu'il y a une personne que je vais te passer. Qui roule sa clope, mais qui a ramené ne me parlez du basilic de son travail. Et il aimerait t'en parler. Te le passe. Basilic du travail. Attends, Julien, t'aimes le basilic? Ouais, j'aime bien le basilic, ouais. Mais là, il est un peu flétri, en fait. Faut que j'en fasse du pesto dès demain. Ou du pistou. Mais carrément. Mais il faut beaucoup de basilic pour faire du pesto, tu le sais, ça? Bah ouais, mais j'en ai 30 grammes, là, ça devrait suffire, hein. Ah, je suis pas sûr, hein. À mon avis, c'est beaucoup plus. Ah, bah, mon avis... Mon avis, c'est beaucoup plus. Je vais pas faire un litre de pesto, non plus. Un litre de pesto, alors là, bah, un pesto basilic, Ophélie, elle te le déglingue en... En une heure. En 2-3 basilic. En 2-3 quoi? Ouais. Attends, du coup, on a qui? Est-ce que Bobo, c'est toi qui va répondre à nos questions? Non, c'est Cola. T'es sûr? Ouais. Qui est-ce qui était en train de se rouler une clope du coup là? C'est Bobo. Ah, c'est moi. Ah bah tu sais que tu es en train de t'immuniser contre le coronavirus, hein. Je sais pas si vous avez vu les nouvelles, mais la nicotine empêche le coronavirus de se fixer sur nos cellules. On va être sauvés par la clope quoi. C'est pour ça que j'ai commencé à refumer dès le matin là. C'est énorme. Alors je pense que la prochaine étape, il va y avoir une pénurie de patch. Et du coup on va engueuler le gouvernement parce qu'il a pas fait de stock de patch. Ouais. Attends, y a Cola qui veut te reparler là. Tu faisais de le tir des téléphones. Tu t'es enculé. Putain, quoi? Ouais, bon, d'enculé là. Oh, putain, ça va, tu me saoules. Quoi? Tu me saoules. Alors, mais non, ça, oui. Bobo, c'est tiens, on vient de voir un message sur le Discord là. Enfin, je l'ai vu passer. Ah, Bobo, il savait pas qu'on était en direct. Le basilic, comme dans la chambre des secrets, Mona, peux-tu nous raconter l'histoire du basilic? Il va falloir mixer la rubrique potager et Harry Potter, là, parce que du coup, le basilic, c'est pas un serpent avec lequel on fait du pesto. Ah, ça, c'est fin, Julien, ça. Bon, Cola. Il a mis du tabac dans son vin. Cola, j'ai une question hyper sérieuse pour toi. Oh non, franchement, déjà que j'étais pas prêt à apparaître dans le temps pété. Maintenant, maintenant, tu me poses une question, tu veux quoi après? Attends, parce que je l'ai plus. Tu veux me. Dis. Vas-y, je l'ai. Cola. Si vous... Putain, Julien, qu'est-ce que tu fais? Si vous deviez changer de signe astrologique, lequel seriez-vous? Putain, c'est dur. Le signe du basilic. Non, c'est un vrai signe qui existe, hein. Attention. Faut que je dise, c'est un vrai signe qui existe. Ouais. Ah, c'est trop dur. Sachant que tu es, quel est ton signe? Je suis Capricorne. Eh ben, je serai Taureau. Pourquoi? Pour être comme Chloé et ma maman. C'est pas si éloigné. Le Capricorne, c'est le taureau en mode insect, quoi. Ouais, ça, en vrai, c'est le bas de gamme du Capricorne, le taureau. Hein. Donc, je préfère rester dans la même lignée, mais en bas de gamme. Bas de gamme, oui. Ensuite, Cola, deuxième question pour vous. Quel est le surnom? Oui, je suis prêt. Le pour confinement. Le pour péter. Quel est le surnom le plus étrange que l'on vous ait donné? Oh waouh, c'est dur. Dur? Bah, c'est bizarre comme surnom quand même. Cocolito. Pour toi, Bobo, culé. Waouh. C'est pas si étrange que ça. Attends, enfin, je vais réfléchir, je reviendrai dessus. Quelle anecdote? What an anecdote. C'est horrible parce que du coup, tous mes compères, ils ont vu mon téléphone sonner, ils se sont tous barrés, ils m'ont laissé tout seul dans une pièce. Putain! Horrible pour un peuple pété. Vous êtes confiné dans une pièce. Mais le point pété, c'est pas si horrible. Qu'est-ce que t'as? T'as peur de quoi? T'as peur de quoi? T'as le droit t'exprimer. Mais j'ai peur de toi, Ophélie. Je vous ai entendu avec des voix graves tout à l'heure. C'était chelou. Mais non, mais on les a enlevés, les voix graves. Franchement, au début, j'ai commencé à pleurer tellement vous étiez odieux. Et vous étiez enculé à demi petit peu reprise. Bah très bien, alors tu vas nous passer chaque personne de l'appartement, je veux avoir tout le monde. Ce sera mes invités. Alors entre chaque moment, attends, je te garde encore un petit peu parce que ton temps n'est pas écoulé. Attends, je peux te passer quelqu'un? Vas-y. C'était juste pour dire à Doug que la Blue Waffle, c'est une sorte de gaufre à la chatte Roquefort. Allez, salut. À la chatte? Attends, je peux te passer quelqu'un? Vas-y. Là, il y avait une private joke là qu'on n'a pas compris. Une chatte au Roquefort. Ça une dire. Chatte au Roquefort. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez, s'il vous plaît. Ok, je vais mettre le haut-parleur, ils ont peut-être une blague. Faites attention, le haut-parleur, ça fait un son mauvais. Bah ouais, j'ai peur que ce soit, ça sent très mauvais le haut-parleur. Allez-y, on essaye. Ça sent mauvais, ouais, le haut-parleur. Comme la Blue Waffle. Surtout si le mec il parle à une. Vas-y, j'ai mieux pas. Bon alors. En fait, c'est bizarre. Bonjour. Ah. Ah bah voilà, il y a des mecs. Non mais ouais, ça. Non mais écoutez, je vais rappeler chacun sur son téléphone, comme ça ce sera très très bien. Sinon on arrive à voir personne. Là. Vous êtes des timides. Ils sont timides. Je sais pas qui sont mes compères, mais ils sont trop timides. Si on a les yeux bleus, c'est à cause des girofles. Que oui, pour péter. Est-ce qu'on pourrait avoir une explication sur la chatte au Roquefort là? Parce que moi, j'ai pas compris le. Il a pas compris, Julien. Faut nous repasser, Bobo. Bobo. Tu as appelé à la barre. Viens tout de suite. C'est pas Bolo, c'est Bobo. Corogno 47. Bolo. Ah oui, c'est Bolo comme Bobo. Boulognaise. Ouais, Bolo, ouais. Il a cru qu'il a s'appelé Bobo. Bolo, Bobo. T'es en train de m'engueuler, Julien, ou quoi là? Non, je suis en train de répondre à Coronio 47 qui nous dit « Thanks, Bolo !» Point d'exclamation. Ah, thanks, Bolo. Est-ce que tu Merci, veux que je t'en Bolo. Passe Bobo, Julien? Je sais pas, moi je voudrais juste une explication sur la chatte au Roquefort. Ok, une explication sur la chatte au Roquefort. À la chatte au Roquefort. Julien, par contre, le basilic, faut surtout pas le mettre au frigo. Parce que ça craint le froid. Ok, merci. Effectivement. Alors? Alors? Alors, l'explication de la chatte au Roquefort, oh, putain. C'est dégueulasse. Ah, voilà. Mais on dirait un tableau. On est sur le Discord. Je sais pas dans quel sens regarder cette image. Blue Waffle Disease. La fameuse image. Blue Waffle Disease. C'est horrible. Ah, mais ça me dégoûte. Mais vous savez que Douglas en question, je balancerai pas qui c'est, mais ça fait 10 ans qu'il se branle là-dessus tous les matins. Mais je le comprends. Julien, d'ailleurs, je t'ai demandé quand on aime le fromage. Je t'ai demandé d'acheter le fromage de caractère, toi, Julien. Ah, mais bien sûr. Quand ça sent fort, c'est qu'il y a de l'esprit derrière. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, ouf. Alors moi, je connais hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hurrah. Bon, Cola, je vous remercie. Je vais... On va faire une petite pause musicale avec un oups. Et crois qu'elle parle encore à Cola, là. Mais non. Putain, mais Cola et Bobo, vous avez la même voix. La pipe, on a la même voix. Peut-être que depuis le début, ce n'est qu'une seule personne. Est-ce que Cola et Bobo, c'est la même... On n'a pas la même voix, mais on a la même passion. Bon, il est temps de lancer un jungle. Un jungle. On va lancer un jungle et on revient parce qu'on reste avec vous parce que je vais avoir d'autres personnes qui sont avec vous. Mais c'est incroyable parce que je pensais vraiment que c'était Cola et en fait c'était Bobo. Parodisme. Non, il parle de jungle. La jungle, c'est le jingle. Bon, attendez, je vous mets en attente, si vous permettez. Deux secondes. On arrive, les gars. On va mettre un petit jungle. Lequel on met, Julien ? Je voulais mettre un petit ça. Ça te dérange pas ? Écoute, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, c'est parti. On est toujours sur... Je fais patienter la personne avec qui je suis en ligne. Julien est en train de tout bidouiller. Non, bon. Et du coup, c'est un peu chiant. Ah oui, tu t'es mis un petit effet. Okay. Baisse le max. Voilà. Ok. Et moi, on m'entend bien. Oui, ok. Alors, attendez, madame avec qui je suis en ligne, c'est le direct, c'est le point pété. Donc, c'est pas toujours facile. Hop, et normalement, c'est pas fastoche, hein. Non. Allô, vous êtes avec nous ? Qui êtes-vous ? Je suis Monsieur Soucoline. Soucoline ? Plutôt son jardinier. Vous êtes son jardinier ou vous êtes Monsieur Soucoline ? Faut savoir, parce que les Nazgûles, ils acceptent pas, hein. Ils vont vous poser des questions, les Nazgûles, alors autant nous dire tout de suite. Bah, je leur dirai... qui nous amène ne regarde que nous. Tout simplement. C'est clair. Monsieur Soucoline, comment ça se passe ? Alors, expliquez-moi pourquoi j'ai confondu la voix de Cola et de Bobo. Bah, c'est que on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, à la fin, ils commencent un peu à se confondre les deux, tu vois. Genre, Cola commence à border les marinières, François commence à... mettre des pantalons en plein confinement alors que normalement ils se baladent toujours en slip. Pas mal de choses comme ça, genre ils commencent à me parler de la chaudière 4, Cola qui me parle de basilic, on comprend plus trop en fait. C'est quoi cette histoire de basilic, bordel de merde ? Mais je sais pas, moi j'étais en gestion de la radio, mais il me semble que Julien a eu une discussion très... très houleuse avec François à propos de basilic. Mais surtout qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un vrai basilic dans le jardin. J'ai trouvé une espèce de mu de serpent de à peu près un bon mètre. Ah, hein. Oh, waouh. Non, mais un ouais, bon non, mais sous que c'était dégueulasse. Et on voyait, genre, oui, même la tête, il y avait juste à mettre un peu de mousse expansive dedans pour refaire un serpent. Non, mais c'était dégueulasse. Je vais peut-être tester demain d'ailleurs, parce que je ne me suis jamais testé à la taxidermie, mais pourquoi pas commencer avec un serpent. Au pire, tu mets ta bite dans le pot. Commencer avec du basilic. Oui, pourquoi je mettrais pas ma bite dans cette mue de serpent ? C'est clair. Super déguisement. Et vos meilleurs déguisements pour Halloween. Alors Souk, attends Souk, je vais te poser dans une minute. Je vais te poser des questions. Oui, vas-y, j'écoute. Parce que je dois tout dire, en fait, moi le point pété, clairement, fallait m'appeler hier, parce que je suis un gueule de bois, de ouf. Bah, je sais, j'ai cru comprendre qu'hier, il y a eu plein de fiestas. C'était une fiesta, mais pas trop, en fait. On a juste regardé Koh-Lanta, fait des petits jeux. C'était nul. Ah, alors François me dit de dire à Julien qu'il peut mettre sa bite dans le basilic, mais surtout le garder au chaud. Ok, ouais, oui. Pas, surtout pas au frigo. D'accord, très bien, je note. Donc voilà, bon, bah c'est... voilà, très bien. Chaud le serpent. Souk, mes questions pour toi, je vais les sélectionner. Si Dis-moi. Tu pouvais tatouer ton meilleur ami pendant son sommeil, quel dessin choisirais-tu? Je lui ferais un énorme anneau sur le cul. Ou alors un à nos amours, mes amours. Au sur le cul. C'est quoi un à nos amours? Un à nos amours? Un à nos amours? Un à nos amours? À nos amours! Un anneau anus. Attends Souk, est-ce que vous connaissez l'anneau anus? C'est se faire tatouer les inscriptions de l'anneau, mais autour de l'anus. Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver. Bah non. Voilà. C'est un secret. C'est un secret que seul le feu peut révéler. C'est un secret qui fait mal. Alors Souk, j'ai une autre question pour toi. Si tu devais participer à un programme de protection de témoins et choisir un nouveau prénom et un nouveau nom, que choisirais-tu? Bah, plus quelqu'un d'anonyme, je pense. Bah non, mais je m'appellerais... Faut que tu donnes un nom, prénom. Bah, Christophe Maé, avec un H. Oh, sale pute. Et ouais, toi. Je connais des gens qui s'appellent Maé avec des H, hein. Bah, moi aussi, justement, c'est pour ça que je sais que... Tu connais des Maé? Souk. Avec des H, il y en a beaucoup. Ouais. Mais avec sans H, il y en a qu'un. Bah oui, il a pas une H, il a une guitare, lui. Excellent. C'est pas le même type de guerrier, Souk, la quête est tout aussi bonne. Souk, j'avais... La quête est tout aussi bonne. J'avais un peu oublié le Discord, je vous l'avoue. Désolé, chers auditeurs, mais je suis retour sur le Discord. Je viens de reprendre mon téléphone. Il y a des questions pour vous. Douglas Wilson. Souk, c'est qui ton Douglas Wilson Damien Jeanne préféré? Bah, très clairement, la réponse est dans la question. T'as que... C'est qui? J'ai même pas de retour à faire ou de sarcasme. Parce que je suis débordée de tant d'amour et ça me touche. Alors, tu vois, je vais dire juste quelque chose de mignon, tu vois. Genre, Doug, je t'aime. Waouh. Madame Mona demande, Souk, quelle est votre réplique de Zoolander préférée? Ça, c'est une super question. Alors, ma réplique préférée, il y en a tellement, mais... Avec Ben Stiller. Ben Stiller qui est dans Submarine. Non, alors ça, c'est encore un sosie, tu l'as confondu avec un autre... Un mec qui s'appelle Thomas. On vient de se faire moucher dans les oreilles. C'était énorme. Pardon. ma réplique préférée de Wander, c'est. Juste ma bite, tu verras. C'est bien répondu, amigo. Bien répondu, amigo. Si je peux me permettre de poser une question également, Souk, quelle est votre réplique préférée du Seigneur des Anneaux? Oh là là là là. Bah. Il y en a trop, hein. Moi, dès que Frodon, il rigole, moi, je rigole. Hein. Il y en a trop. Hein. Ah, je pense que c'est bonjour, Frodon. Bonjour, Frodon. J'adore celle-là, c'est ma préférée. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est sincère, en plus. Elle est bien jouée. Chloé Le Soulier vous demande, est-ce que t'es moche? Est-ce que je suis moche? Ouais. Je suis moche, mais après, je me regarde dans le miroir le matin, je me dis, ouf, t'es pas encore au niveau de Chloé. Tout est sauvé. Tout peut être sauvé. Elle demande également, que penses-tu de Richard Berry? Eh ben, écoute, j'ai beaucoup rigolé parce que j'ai cherché, en fait, Richard Berry, caca, four. Aussi, j'ai fait ça sur Google. Et je suis tombée que sur des gens qui étaient... Non, mais allume pas ton ordi. D'où vient ce truc? D'où vient cette rumeur de Richard Berry qui chie dans les fours et tout? Et tout le monde se demandait juste d'où vient cette rumeur. Donc franchement, si on trouve le patient zéro de cette rumeur, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Voilà. Mais sinon, Richard Berry, bon, je sais pas. Mais c'est je m'en branle. Ouais, je m'en branle. Mais c'est qu'il chie dans des fours m'amuse beaucoup. Alors attendez, parce que il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui vont trop vite pour mon cerveau pété. C'est marrant parce que quand on fait des points conf, il y a 2-3 questions qui arrivent comme ça. Et quand on fait des points pétés, il y a trop de questions. Du coup, j'arrive pas à suivre parce qu'en plus, je suis pété. Enfin, vous voyez, c'est ça le challenge. Je me demande si Richard Berry a déjà rencontré le Monkey Shit Demon. Quoi ? Est-ce que personne ne connaît le Monkey Shit Demon ? Non. C'est pas Monkey Shit, c'est un démon. Il y a une vidéo hyper, hyper bien là-dessus, hyper bien faite sur YouTube. C'est un démon qui apparaît quand tu chies, que tu pisses sur ta merde et que tu éjacules sur ta merde. Et à mon avis, il doit y avoir une espèce de secte autour de Richard Berry. Si, c'est ça, c'est The Monkey Shit Demon. Et il apparaît à ce moment-là, tu vois, il faut vraiment faire le combo. C'est dégueulasse et en fait tu peux exaucer des vœux, ça fait une espèce de génie de la merde et du sperme et de la pisse. Du sperme et de la pisse. Et tu peux lui demander, je sais pas, un château et il va te faire un château en merde et en sperme et en pisse. Ouais. C'est un petit court métrage qui a été fait sur YouTube. Putain, mais qu'est-ce que j'ai sorti de cette info? Alors attendez, souk, restez avec nous, souk, restez avec nous, souk. Je reste. Il reste Julien. On a d'autres questions pour vous, bien sûr. Attendez. Il y a Chloé Le Soulier, toujours, qui a posé deux questions dont vous avez répondu, qui a une autre question pour vous. Elle demande, parle-nous de ton travail. Mais je pense qu'on n'a pas envie de parler de travail tout de suite. Bah, mon travail, bah, c'est le même que le sien. Hein. Bah, après, bon, bah, rien de plus. Hein. J'accueille des clients, je nettoie des capotes. Tu nettoies des capotes. Plus. Ouais. Je pique dans le frigo, je fais des petites tartines de charcuterie à 16h. Et voilà quoi. Et je donne des clés. Mister, beaucoup de clés. Vous donnez beaucoup de clés. Énormément de clés. Vous êtes un peu. Mais... If there is a key, there is a door, quoi. Bah franchement, exactement. Je l'aurais plus jamais mieux dit. Sauf que je vais vous poser une dernière question avant de passer à... Attendez deux secondes. Oui. Je vais vous poser une dernière question avant de passer à notre prochaine invitée. Que fais-tu de mieux que la plupart des gens? Qu'est-ce que je fais de mieux que... Cuisiner le fromage. Cuisiner le fromage, le parmesan avec du basilic. Franchement, ouais. Je masterise de plus en plus la cuisine à base de fromage sous toutes ses formes, ses saveurs et toutes ses odeurs. Tu pasteurises, tu veux dire? Je masterise. J'ai un master. Ah, c'est une nouvelle façon de masteriser le fromage. Le lait. Exactement, mais tu sais, il mais faut du lait masterisé, trouver, du lait masterisé, bien sûr. C'est ce qui est marqué sur certaines bouteilles. Non, mais ouais, non, je sais pas ce que je fais mieux que les autres. Plein de choses, j'imagine, mais bon, je préfère rester humble. D'accord. Rester humble, c'est une belle phrase. Souk, je vous propose de... Attendez, j'ai envie d'éternuer, donc je vais proposer à Julien de parler un petit peu pendant que j'éternue. Coronio a donné le lien vers le Wonky Shit Demon dont je parlais. Donc, si vous voulez voir cette petite vidéo qui dure une minute, vous allez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Putain, mais c'est incroyable, Julien, c'est ça que tu fais avec la connexion? C'est oui. C'est quoi? Bon, Souk, je vous propose. J'ai un son pour vous, Souk. Donc, il faut absolument que à la fin de cet appel, vous allumiez. Non, après. Vous allumiez absolument Radio Boncon pour écouter ce que je vais diffuser tout de suite, d'accord? Bon, eh ben, écoute, je cours, je vole. Je prends ma bière et j'y vais. Ok. Dans les parking blocks. Je cours, je vole. Ça, c'est Zazou qui dit ça dans Le Roi Lion. Je préviens. Exactement. Yes. J'y cours, j'y vole. Je préviens les gens de Pansé que je les appelle. Donc, gens de Pansé, tenez-vous prêts, il y a un appel qui arrive. Et Louison, on n'a pas parlé avec vous, mais on va vous parler. Donc soit, alors je sais pas si je reste en ligne avec vous et que je chope Louison, ou si... Non, je vais peut-être rester avec vous le temps de... Bon, en tout cas... Tu me dis ce que tu fais. Ouais, en tout cas, écoutez ce petit son, souk, il est pour vous. Raccrochez tout de suite, je raccroche pour vous, comme ça. Ok, vous pourrez pas mais louper. J'espère que c'est Christophe May. Non, c'est pas Christophe May, c'est encore mieux. Et j'espère vraiment que ça Christophe va vous May. Plaire. Je pense qu'on est toujours sur de la bonne private joke. Bah non, okay. C'est pas de la private joke, c'est de la culture G. Un petit peu, quand même. C'est de la culture G, c'est de la oui, culture aussi, G. Aussi. Souk, je raccroche. C'est de la culture joke. Hop, clac. Vous avez entendu tout ce que j'ai raccroché au Netsouk. Et... Ah, oh, putain, trop de câbles. Je mets mon petit zoom. Direct dans le point pété, c'est le point pété sur la radio des pétés et je suis en ligne avec une douce. Bonjour douce. Ah salut. Qui êtes-vous? Bah salut, c'est Chloé de la matinale. Vous êtes Chloé de. Oh putain, mais vous êtes en train. Vous êtes Chloé de la matinale et vous exactement. Êtes... Vous avez la chance d'être à Pansé. Exactement. Oupsi, Pansé Oups.mp3. Vous faites des Oups.mp3. Oui. Et vous êtes en train de vous déguiser en drag queen. Exactement. En fait, ce soir, on fait une soirée drag queen. Mais vous avez de la chance. Bah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été... Enfin, j'ai pas été très... raisonnable, j'ai pris ma voiture et j'ai conduit exactement 14 minutes Aïa pour aller jusqu'à la colocation de Pansé car j'étais avec mes parents et je commençais à en avoir marre. Aïa. Donc je suis venue passer la soirée à Pansé et quelle soirée, c'était incroyable, on a passé vraiment une fin d'après-midi soirée. Vous avez Pansé. Incroyable. Vous avez Pansé une bonne fin d'après-midi. Et j'ai passé une bonne fin d'après-midi. Et sur exactement. La route, pas de panne sèche. Sur la route, pas de panne sèche, en effet. Bon, nickel. Mon cher beau-frère. Tout s'est bien passé. Oh, waouh. Tout s'est bien pansé, alors. Exactement, tout s'est bien pansé. Chloé. Ouais, justement, alors, blagues, expliquez-nous. Moi, j'ai vu une photo passer de vous. T'as vu panser une photo. J'ai vu panser une photo de vous en train de vous maquiller. Oui, tout à fait. Et eh ben, on écoutait le point pété. On avait, en fait, quand le ça a commencé, on s'est dit tiens. Attendez, il faut absolument que je mette. Point pétos. Le point pété. Le point pété. Merci, c'était vraiment le moment de le mettre. Allez-y. Exactement, c'est allez-y. Franchement, c'est un peu notre jingle préféré ici pour l'instant. Et ah bon ouais, c'est magnifique. Ouais, on l'adore. On adore. Et donc oui, tout à l'heure, on n'est pas en train de se maquiller, on s'est motif parce qu'on aime beaucoup la série RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race. On adore ça. Alors à la colloque de Pensée, ils en sont à la saison 5, je crois. Et moi, je suis rendue à la saison 7. Et c'est magnifique. Si les gens ne connaissent pas, je leur conseille. C'est une série sur... C'est un concours, en fait, de gens qui se déguisent en drag queen. Une télé-réalité, voilà, de gens qui sont des drag queens. Et à la fin, ils élisent la meilleure des drag queens. Et donc, tu en es à la pas de saison 5. Oh, yes. Elle est trop bien, la saison 5. Oh, yeah. Alors, attendez, il y a des questions pour vous, Chloé, sur le Discord. Je remonte. Oh, yes. C'est hyper compliqué de lire ces questions et en fait d'essayer de comprendre si c'est des questions pour vous, des private jokes ou des questions qui tombent comme ça. Et du coup, des fois, je me dis, mais si je pose cette question, est-ce que je vais avoir l'air conne, tu vois? Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose que je pense que vous vivez également pendant la matinale, parce que vous animez Exactement. Les matinales. Quand, Julien, servez-moi une bière, s'il vous plaît. Si, cher co-animateur, c'est pas facile quand on voit des questions, on se dit est-ce que cette question je dois la poser, est-ce que c'est quelqu'un qui est totalement pété, qui ne sait pas ce qu'il dit. Bah écoutez, moi je suis un petit peu pété, j'avoue que pour ceux qui me connaissent, maintenant c'est pas souvent que ça m'arrive. C'est vrai. Et là j'avoue, je me suis un petit peu laissée au vin rouge et au cidre, donc j'ai une petite pétée sympathique. Alors, vive cette pétée. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir la partager avec le monde entier. Hein, enfin, oh, yeah. Alors, ce qui est étonnant, j'ai notre frère. Donc, Chloé, vous êtes ma sœur, bien sûr. Nous avons les mêmes parents. Et nous avons également un frère qui fêtait ses 27 ans aujourd'hui, enfin hier, parce que nous sommes le 26 maintenant, car il est minuit passé. Et je voulais l'avoir au téléphone, je lui ai dit, le point pété, il est pour toi, tu seras en direct et tout, cher Hugo Soulard. Et il m'a dit, je ne suis pas pété. Oh ! Je ne suis pas pété. Non, il a dit, je ne suis pas comme vous, et moi je ne ferai pas ça. Non, il a dit je ne suis pas pété. Bah, il a tort, hein, parce qu'on se marre bien. Bah, que oui, on se marre bien. Et franchement, moi j'aime bien rigoler. Alors, du coup, je voulais vous poser des questions. Il y a une question de Louison. Je pense qu'il était pas CPT pour pouvoir participer. Louison demande, c'est quel genre de particules de la matinale? Je suis quel genre de particules? C'est quel genre de particules de la matinale. Je n'arrive pas trop à comprendre cette question. Bah voilà. C'est ce que je disais. Donc, il y a des questions, je comprends pas. Je dirais que je suis la Terre, vu que je suis taureau. Ah oui, d'accord, c'est de la matinale. Quoi ? Bon, c'est pas grave. What? En gros, vous êtes Chloé de la matinale. Ah oui. Je suis la matinale. Oui, bien sûr, c'est oui. Ensuite. Est-ce qu'aller à Pensée, c'était la panacée? Bon, on s'en fout. C'est une super bonne blague, non, la panacée. Non, c'était pas la panacée, c'était vraiment la porte à côté. D'accord. Chloé, quand vous étiez sur la route, est-ce que les gendarmes vous ont arrêté parce que vous êtes moche? Alors ça, j'imagine que c'est Kenza qui pose cette question. Et exactement. La réponse est non. Déjà parce que je suis toujours belle et que en plus de ça, je n'ai pas croisé la maréchaussée. Coronio 47 demande, elle est moche comment, Chloé? Bah, elle est moche, elle est moche un peu comme Ophélie, puisqu'apparemment on aurait tendance à se ressembler, notamment dans la voix. Alors après, je sais que la voix, ça ne veut pas dire qu'on est beau ou qu'on est belle, mais il y a des gens qui trouvent que physiquement, on se ressemble aussi, alors voilà. Ouais, je sais pas. Ah oui, En tout cas, je pense que ça va. Depuis que je me suis maquillée et que j'ai mis une perruque, on est bien. Alors, Coronio, c'est toujours pas bolo, c'est bobo. Roux Patrice demande, Chloé, est-ce vrai que votre frère est roux? Et si oui, lequel? Est-ce vrai que quoi? Est-ce vrai que votre frère est roux? Et si oui, lequel? Oui. Et voilà. Et Hugo. Le deuxième. Et c'est Hugo. Et il est célibataire, il est très mignon. Et si vous voulez son 06, on peut vous le transmettre à l'antenne. On va vous le donner tout de suite. Non, on va le donner directement à l'antenne. Oh, antenne. Il y a 15 auditeurs, on s'en fout. Ça se fait pas de donner un 06 à l'antenne. Mais non, mais il y a 15 auditeurs. T'es ouf, il y en a beaucoup plus. Ouais, c'est vrai, ouais, 15 auditeurs. En fait, j'avoue, en fait, j'avais pas vu. Il y a 500 000 auditeurs, donc je vais peut-être pas... Wouhou! 500 000, c'est alors, Coronio47 demande, Chloé, comment tu t'appelles et si oui, comment ou pourquoi? Je m'appelle Chloé de la matinale et mon prénom, c'est Chloé. Et donc, pourquoi? Parce que Chloé, c'est un joli prénom et en plus, c'est un des personnages principaux du roman de Boris Vian qui s'appelle L'écume des jours. Wow. Alors, attendez. Voilà, c'était la minute, j'ai un bac L. Chloé, il y a une question de Douglas Wilson. Chloé! Oh non, j'ai peur. Si je t'explique comment faire un gâteau au chocolat, est-ce que ça veut dire que je te donne ma recette? Chloé, est-ce que c'est un rire exagéré? Moi, je pense que c'est un rire exagéré. Alors, non, parce que je suis. Eh non, mais. Pété? Il est sérieux. Oh putain. Pété? Ouais, je suis un petit peu pété, c'est pour ça que je. Peut-être que je suis un peu plus expressive, mais. Douglas Wilson, à un moment donné, faut vous calmer quand même. Voilà, ce sera ma seule réponse. Ok. Alors, bah, attendez, Chloé, je vais vous poser quelques questions. Je vais vous poser quelques questions. Attendez. D'accord. Dans 30 ans, de quoi les gens seront nostalgiques, selon vous? Dans 30 ans? Oui. De Radio Boncon. Ouais, grave, de Radio Boncon. Les gens seront nostalgiques de Radio Boncon, carrément. Alors, ça, on l'a déjà posé. Ah, cette question est pas mal pour vous. Alors, Chloé, quel âge te donnerais-tu si tu ne savais pas ton âge? Ça fait bien, celle-là. Eh ben, je me donnerais 25 ans. Ah, ouais. Ouais. Comme pareil que moi. C'est marrant, moi j'aurais dit plus. Ah ouais? Bah non, moi je me donne moins. Chloé, dernière question. Quel est le surnom le plus étrange qu'on t'ait donné? Alors, quel est le surnom le plus étrange? J'en ai eu plusieurs. Il y en a qui m'ont surnommé Clo-Clo. J'ai eu le droit à Chelo, et j'ai eu le droit à je pense le soulier quand même, c'est un de mes surnoms principaux. Je sais pas trop d'où c'est venu, c'est des potes c'est parce à moi que de tu la m'as fac appelé. Qui m'ont appelé comme ça, donc ouais, Chloé le soulier d'or, des fois j'ai eu aussi. Dernière question, Chloé, comment voyez-vous Agent 2030? Agent 2030? Eh ben, c'est le programme du maire. Je vois Voyou au Florida, mais avec vraiment beaucoup de gens. Et je vois Julien Purneau qui serait le maire d'Agen. Le maire d'Agen, Julien, est-ce que vous pensez que c'est possible? Maire d'Agen, mais jamais Agen. D'accord. Ouais. Bon, Chloé, on vous remercie. Voyou avec du monde, effectivement, c'est 2030. Hein. Voir un peu plus, ça, parce que je crois que Voyou à Agen, il y avait combien de personnes? Il y avait peut-être... Bah. Alors, il y avait 70, je crois, un truc comme ça. Ouais. Écoutez, moi, Il faut espérer des choses. Voilà, faut être dans l'espoir, faut être positif. Voilà, c'est une bonne marque de positivisme. Positivisme. La positive attitude. Chloé, on vous remercie. Ah bah, avec plaisir. À bientôt. Ah bah très vite, je vous embrasse. On va maintenant vous... Très cher beau-frère, je vous embrasse également. Moi aussi, je vous embrasse. Chloé, c'était un plaisir. Chloé, est-ce que vous connaissez le film Interstellar? Interstellar. Elle est bourrée, la coquine. C'est marrant quand même. C'est marrant, mais alors... Chloé, on vous invite à raccrocher et à vous brancher sur Radio Bon Coin pour écouter ce qui va suivre. Parce que... Allez, super, on fait comme ça. Ça va, allez, des bisous. Ça va parler d'un sassoula. Des bisous, des bisous. Hop, on a raccroché avec Chloé. On va vous faire... Julien, je te laisse peut-être présenter. Ben oui, parce qu'il y a un super film qui va sortir. C'est un film qui se passe dans l'espace. Interstoulard. Ça met en scène la famille Soulard qui part dans l'espace et qui écoute le point pété et qui l'entendent comme ça et ouais. Ils écoutent une espèce de ce qui aurait pu être un générique du point pété et bah voilà, on va vous faire écouter la bande annonce parce que ça vaut vraiment le détour. C'est parti. Le dédoulard. Ah, oh, j'ai gerbé. Putain. Eh, on est toujours dans le point pété. C'est quoi? Est-ce que vous avez... Attendez, on est en ligne avec notre nouvel invité qui s'appelle Dorian Ologne. Est-ce que Dorian, vous avez écouté la chanson, le oups de Julien, son premier oups de tous les oups? C'était pas un oups, c'est la bande-annonce de Intersoulard. Le premier oups de tous les oups. Non, c'est pas le premier oups de tous les oups, parce que le premier oups de tous les oups, c'est Chalo avec 3 L, oups pour MP3. Mais c'est le premier oups de Julien. Moi, j'ai écouté que Chalo, j'avoue. J'ai été très, très assidu. C'est pas grave. Alors, on vous entend mal. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur Dorian? Je mettais juste mes écouteurs, parce que vous m'avez un peu surpris à m'appeler. Vous étiez en train de faire quoi? J'étais en plein live avec Damien Jeanne. Ah oui, c'est vrai. Il est en train de dire sur le Discord, c'est sympa, j'étais en call avec Dorian et Ophélie, il l'appelle. Ophélie, rends-moi mon pote. Touche pas, mon pote. Il y a une assaut pour ça, hein. Il y a une assaut pour... Non, vous pouvez porter plainte pour, contre Ophélie. Bah, je sais pas, Dorian, on peut discuter aussi, on est quand même ex. Ouh, je vous entends très mal. Non, c'est pas grave. C'est un sur-râteau, c'est ouf. Ouais. Vous faites quoi là, Dorian? Vous êtes où? Vous faites quoi? Je sais pas, dites-nous quoi. Du coup, moi je suis à Nantes et du coup, j'étais en pleine session visio avec pas mal de monde avant le point pété, avec quelques gens de la bande des bons cons. Ouais. Du coup, bah, je suis un peu pété forcément. Vous êtes pété? J'ai un petit peu pété, ouais. Et attendez, je vais vous poser des questions parce que j'ai une super liste de questions. Oh yes, moi j'aime bien les questions. Ah, j'ai une super question pour vous qui est... Attendez, il faut que je la retrouve. Quel est ton meilleur souvenir pour chacun de tes... pour chacune de tes grossesses? De mes grossesses? Oui. Bah, j'en ai eu qu'une et c'est quand j'ai chié Damien. Est-ce que ça peut... Est-ce que ça compte comme une grossesse? Bah, bien sûr. C'est sorti par les fesses. Oui. Si ça faisait mal, ouais. Oui. Ah, bah, ça a fait mal en même temps. Est-ce qu'il y avait un peu de sang? Quand tu vois le résultat final, tu te dis que ça a fait mal. Alors, attendez, cette question, je l'ai déjà posée. J'essaie de barrer les questions que j'ai déjà posées pour ne pas les reposer, même si elles sont carrément extraordinaire, ces questions que j'ai trouvées bien sûr sur internet. Est-ce que vous avez déjà oublié de faire valser la petite gougoute? Est-ce que vous avez déjà oublié de faire valser la petite gougoute? La petite gougoute. Oui, bon. Est-ce qu'on pourrait s'agir. Expliquer plus en détail pour la les petite auditeurs gougoute. Valser la petite gougoute. Quand on a fini un petit pipi, on fait valser la petite gougoute. On dirait un mec qui vient juste de devenir un mec. Valser la petite gougoute. Est-ce que vous avez fait valser la petite gougoute? Le gars, il vient juste d'obtenir le droit de dire ça. Je la fais pas valser. C'est toujours le petit papier qui vient essuyer tout ça. J'aime pas trop la valse. Même pas de secou-gougoute ni de valse-gougoute. Non, je suis pas trop un valseur. Torche-gougoute, quoi. Ouais, torche-gougoute. Torche-gougoute. Ça aurait pu faire un personnage de Game of Thrones, ça, torche-gougoute. Ouais, c'est vrai. Torche-gougoute. Alors attendez, Dorian, on a des questions pour vous sur le Discord. Dorian, est-ce que quand on. Dorian, excusez-moi. Est-ce que Canton? Dorian, Canton. Est-ce que Canton? Dorian. Oui. Est-ce que Canton te dit merci? Tu dis Dorian. Ah, la classique. La zigzit. En vrai, je rigole vraiment parce que je suis pété, parce que sinon elle est vraiment classique. Bah, elle est de typhon, elle est de typhon, elle est de typhon. Bien sûr. Ah oui. Ah oui, bah ça m'étonne pas trop de typhon. Dis typhon, un classique. Ça doit être encore trompété, celle-là. Classique typhon. Classique typhon. Dorian, est-ce que manger un cordon bleu cru, c'est bon? Ah, mais de ouf. Mmh. Attendez, j'ai avalé de travers. Mon cordon bleu. Voilà. Mais, ouais, de ouf. Vous avez jamais goûté de cordon bleu cru? Ah, que non. Ben, vous ratez quelque chose. Non, on mange pas de... En fait, c'est que... Moi, j'ai un problème avec la bouffe, j'ai trop la flemme de cuisiner. Parce que, en fait, j'ai trop la flemme de passer trop longtemps dans ma cuisine pour manger en 5 minutes. Et du coup, le cordon bleu, c'est parfait. Genre, t'as pas besoin de le faire cuisiner, tu le manges. Bah oui, c'est vrai. Ça me donne envie de manger, putain. En vrai, c'est trop bon, c'est pas une blague. Ah bah, je vous crois, mon dodo, je vous crois. Dodo. Et dodo, parlez-nous de votre Skyblog. Dodo the Boss, italiano. Ouais. Italiano. Non, Dodo the Boss, c'était mon adresse mail. Et Italiano, mon Skyblog, c'est Ch'ti Dodo. Alors, si vous voulez noter pour aller dessus ce soir, c'est Ch'ti Dodo. S-H. Attends, il existe encore? Il existe encore. Il existe encore. Il est toujours... Attendez, j'y vais tout de suite. Alors, dites-moi. Alors, par contre, il est sponsorisé par humour.com. Alors, attendez. Ch'ti Dodo. Alors, c'est C-H. C'est idodo.skyblog.com. Oui. Skyblog. Et du coup, y a la plupart, c'est sponsorisé par humour.com. C'est vraiment des trucs que j'ai pris sur humour.com. Mais il y a quelques trucs un peu drôles. Mais c'est un peu dégueulasse quand même. Non mais Julien, il essayait de faire des... Ah, attendez, je suis sur votre Skyblog. Je m'excuse pour, qu'il vient de... pour ceux qui viennent. Ça a été partagé sur le Discord. Ouais, ça a été partagé, donc on va pouvoir... Ah non, Corogno s'en va. Corogno, je voulais vous appeler juste après. Ben, c'est dommage. Bonne nuit, Corogno. Écoutez, la prochaine fois. Alors, Corogno. Ch'ti dodo, c'est bien ce que j'ai écrit. Corogno, vous avez raté des choses. Mais il n'y a rien sur votre Skyblog. Mais si, attends. Bah, je ne suis pas sur le bon truc. Clique sur le lien de Louison sur le Discord. C'est exactement ce que je vais faire. Oh là là, merde. Ah oui. Love you. Moi, et que moi. Oh là là. Bonne nuit, Rodrigue. Bonne nuit, Corogno. Bonne nuit, Corogno. Corogno, you are the best. Bonne nuit à toute la cité, Rodrigue. Ah, c'est ta mère. Oh là là, c'est dégueulasse. Pardon. Non, c'est t'es raciste, la mère, mais ma pourquoi tu cherches à bronzer? Oh non, je regrette de vous avoir donné ça. Non, faut pas regretter. Qu'est-ce que tu dis, toi? Dorian the boss. Dodo the boss. Moi, je suis sûr qu'il y a... Dodo, tu le vois, saumur. Tu vois la petite histoire de Dodo the boss. Bon, du coup, Dodo, vous êtes dans un appartement, là, à Nantes. Exactement, dans mon appartement. C'est un peu... C'est... Vous êtes tout seul? Ouais, je suis tout seul. Rodrigue, c'est ma coloc qui est repassé, mais oui, je suis tout seul en soi. En tout cas, je tenais à vous dire que vous avez vraiment mis des images de merde sur votre Skyblog. Ah, mais il est dégueulasse. Et je descends, en plus, il devait y avoir 50 pages dessus, mais c'est crâne. Je vais aller à la fin pour voir votre premier post. Et bah, bon courage. L'avenir de l'humanité est entre les mains d'Homer Simpson. Ok. Normalement, vous êtes peut-être peut mourir l'année avant la fin. Est-ce qu'on peut avoir l'année du post? Vous êtes peut-être mourir pas... avant la fin. Quelle est cette obsession pour la Joconde? Oui, c'est clair, il y a beaucoup. Quelle est cette obsession pour la Joconde? Parce que pendant quand même pas mal de pages, il y a des photos de la Joconde. Mais dans tous les sens. Mais non, c'est quoi cette photo? Ah, c'est vous qui avez voulu Pongo descendre dalmatien. C'est-à-dire qu'on a accusé Cruella. Pendant toutes ces années. Et c'était vous. Et Ratatouille. On est sur les premières pages. J'ai envie de vous dire... Et un Transformers. Création juillet 2006. Voilà. C'était il y a à peu près 14 ans. Donc je peux plus trop répondre à ces questions. Ça n'excuse rien. Il y a prescription. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là. Ah, ok. Bon, bah, j'ai fait le tour de votre Skyblog. J'étais juste un fan d'humour.com, voilà, qui peut me juger. C'était un skyblog de même, quand même. Bon, bah Dorian, je vais vous poser des questions. Si tu étais... Allez, j'adore les questions. Si tu étais un légume, lequel serais-tu et pourquoi? Si j'étais un légume, je serais... Ouais, c'est compliqué, hein. Je serais une... patate. Une patate de ouf. Patate de ouf. Ça m'étonne pas. Mais grave. En vrai, grave une patate. Et pourquoi? Parce que c'est un aspect un peu moche. Mais en vrai, quand... En vrai, c'est sympa. Quand tu creuses un peu, tu peux en faire des trucs de ouf, genre des frites. C'est d'une belle analyse. Ça veut dire, en gros, je ressemble à rien, mais si tu creuses un peu, je peux être peut-être un peu intéressant. Je sais pas. En vrai. Franchement, mais pourquoi on se casse les couilles à faire des signes astrologiques et tout, alors qu'en fait, avec les légumes, il y a plein d'images, quoi. Je suis une patate, ça veut dire que si tu creuses un peu, je suis intéressant. Cher... C'est trop bien. Non, c'est vrai. C'est vraiment trouvé en... En même temps, c'est vrai pour la patate. Je suis une carotte, si tu me pèles, tu auras les fesses roses. Mais si, c'est un peu la légende autour de la carotte. Dodo. Oui, enchanté. Non, elle voulait vous dire qu'elle va dormir. Non, c'est Dodo. Moi qui prends le relais. Dodo, je voulais vous dire que je vous embrasse et que c'est fini l'interview. Dodo, est-ce que vous connaissez Rambo? Rambo, oui. Rambo. Alors, est-ce que vous avez vu Rambo 1? Alors, pas du tout, parce que je n'ai vu aucun film que tout le monde a vu. Bon, alors, vous avez peut-être plus vu Rambo numéro 2? Alors, j'ai jamais vu les Rambo, j'ai jamais vu les Rocky. Est-ce que vous avez vu Rambo? Ni Rambo 3, ni 4. Est-ce que vous avez vu Rambo numéro 6? Donc, vous avez peut-être vu Rambo number 5. Et le 6. On va vous passer la bande-annonce de Rambo number 5. Oh putain. Ladies and gentlemen, this is Rambo number 5. Rambo qui meilleure bande-annonce. Qui combat son alcoolisme et sa pété. Bon bah Dorian, on vous invite à vous brancher sur la radio des bons cons pour découvrir ça. Et nous on vous embrasse. C'est une bande-annonce exclusivité. Mais est-ce que ça fait Rambo number 5? Rambo number 5. Non, mais ça, c'est une chanson, ça. Ça n'a rien à voir avec Rambo number 5. Bisous, Dorian, bisous. Ce n'est qu'une coïncidence. Bisous. Hop. Alors. Attendez. Tout le temps obligé de changer de câble. Are you ready for the Rambo? We are ready for the Rambo. Ladies and gentlemen, this is a. J'ai passé ma vie à affronter la pété. J'ai regardé ce que j'aimais vomir. Certains n'avaient bu que 3 shots. D'autres étaient si bourrés qu'ils ne tenaient plus sur leurs jambes. Mais l'heure est venue pour moi d'affronter la pété. Et si elle vient me chercher, c'est le point pété qu'elle trouvera. Rambo pété. Mais il y a un truc grave. Rambo pété. Bientôt sur vos écrans. Non, bientôt sur Radio Bon Con. Non. Rambo pété. Bientôt sur Radio Bon Con. Faut que tu cliques pour que ça valide. Tu l'as fait? Oh putain. Rambo pété. Bientôt sur Radio Bon Con. Tout à l'heure, il y a un match. Et certains ont commencé à l'évoquer. Et à Marseille, on a un truc. Vous savez, c'est... Je sais plus comment c'est, qui saute pas et pas marseillais. Alors je vous propose de vous lever. Et on va le faire ensemble. Allez, on y va. Qui saute pas n'est pas marseillais. OK? Qui saute pas n'est pas marseillais. Ouais. Qui saute pas n'est pas marseillais. Allez, allez. Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas... Pété. Qui saute pas n'est pas... Pété. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements au nom belle Emmanuel... Pété. Le point pété. Sur le point pété, c'était... Christophe Castaner. Et maintenant, casse-toi, mère. Casse-toi, rentre chez ta mère. Christophe, Christophe, casse-toi, mère. Casse-toi, mère. Alors vous le savez, on a fait le concours du jingle du point pété. Et vu que je ne l'ai pas encore préparé sur le logiciel, bah, je vais vous mettre une petite musique, le temps de patienter. Et j'ai préparé, je propose à Julien de faire un petit... Est-ce que Julien, tu veux faire un petit oups? Un petit oups? Un petit oups de cette chanson? Allez. T'es chaud? Non. Pourquoi? Un petit oups en direct là? Oui. Non. Ouais non, pas celle-là, pas celle-là. Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux et puis on... Alors, non mais je veux pas choisir dans ce cas-là. Non mais dis-moi... non mais si tu pouvais accepter de faire un oups de cette chanson. Bon, sinon, on met juste cette chanson et tu fais pas de oups. Bon, c'est pas grave. Mais ne mets pas cette chanson. Mais si, je la mets. Non, mais sinon, je te propose ça. Hop, et tu me dis si t'as envie. Elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Julien, tu pues la gueule. Bon, mais non, qu'est-ce que tu fais là? Me demande si les résultats des... Il y a Chloé qui vient de me demander si les résultats des jingles étaient passés, mais non, ils sont pas passés. Un petit problème de synchronisation. Non, il n'y a pas de problème de synchronisation. Bon, écoutez, on va mettre cette chanson, et puis on se retrouve après le temps que je prépare tous les jingles qu'on m'a envoyés pour le concours du jingle du point pété. Allez, à tout de suite. Ce ne sera pas un oups. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. Je suis une crêpe. Je suis une fenêtre. Oh putain, qu'est-ce que je fous là? Là, sous là. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. Suis une crêpe. Suis une fenêtre. Je suis fleur. Je suis fleur. Continuer ce point pété, dis donc. Mais on va le continuer, on va le continuer quoi qu'il arrive. Bon, du coup, c'est l'heure du concours du point du jingle du point pété. Donc Julien, moi j'ai déjà eu la chance d'écouter tous les jingles pour ce point pété. Donc Julien, tu vas pouvoir les découvrir en direct. Viens t'asseoir, mets ton casque. Il vient de pisser. Hein. Viens t'asseoir, mets ton casque. On va les écouter. Alors j'ai essayé de, j'avais pas bien prévu mon truc. J'ai pas pissé dans l'arrosoir. Donc si jamais votre jingle ne passe pas, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est possible que j'ai des petits soucis. Julien, t'es prêt ? Oui, oui, oui. C'est parti pour le premier jingle. Hé, hey, tout le monde, là ! Chut ! Écoutez ! Tout le monde ! Ferme ta gueule, toi ! On va faire un truc ! Quand je dis « point », vous dites « pété », ok ? Ouais, ouais ! Allez, c'est parti ! Point, point, allez, pété ! À poil ! Ah putain, ils sont vraiment trop pétés, ces cons. Bon bah, c'est parti pour le point pété ! Ouais, ouais ! À poil ! Les bons qu'on vous appelle pour le poids pété. Les bons qu'on vous appelle pour le poids pété. Les bons qu'on vous appelle pour le poids pété. Le poids pété, le poids pété. Les bons qu'on vous appelle pour le poids pété. C'est le poids pété. Eh Michou, Michel, Michel, c'est l'heure du point pété, tu viens? Ouais, j'arrive, allez, c'est mardi. Tout le monde m'appelle Soulard, mais moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, mais moi je ne suis pas Soulard. Moi par contre, j'attends le point pété. Moi, j'adore écouter les points pétés, c'est mon émission préférée, vous savez. Là, j'aime pas la bagarre, moi. Rome coco. Mentasti, je bois. Gilbert, je bois. Dissa Renaud, ça je bois aussi. Oh, je bois. Yeah. Ah non, je suis pas sous l'arme. Tout le monde m'appelle sous l'arme, moi je ne suis pas sous l'arme. Moi j'attends le point PC. Moi j'attends. Attends, point PC. Un bagarre. Je suis garé où? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, c'est l'heure du poids pété. marche pas. Ah. J'avais pas du tout appuyé sur le micro, je m'excuse. Il y a dû y avoir un gros blanc. Dites-moi oui s'il y a eu un gros blanc. Dites-moi. Ah, plus rien, ah, plus rien. Oui, c'est ça. C'est ma faute, c'est ma faute. J'étais en train de vous parler. C'est les aléas du PT. C'est exactement ça, c'est les aléas du PT. C'est les aléas du PT. Bon, bah, c'est très bien, c'est très bien. Donc, si vous avez remarqué qu'il y avait un blanc, c'est que vous êtes toujours branché avec nous, donc c'est parfait. On va repartir. En fait, ce que je disais, c'est qu'il y a certains jingles qui ne sont pas passés. Donc, je les ai tous mis sur VLC pour qu'on puisse les entendre tous. Et c'est parti, hein, c'est reparti les gars, c'est reparti. Les bons qu'on vous appelle pour le poids, pété. Les bons qu'on vous appelle pour le poids, pété. Les bons qu'on vous appelle pour le poids, pété. Le poids, pété, le poids, pété. Les bons qu'on vous appelle pour le poids, pété. C'est le poids pété. Tout le monde m'appelle Soulard, mais moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, mais moi je ne suis pas Soulard. Moi par contre, j'attends le point pété. Moi, j'adore écouter les points pétés, c'est mon émission préférée, vous savez. Là, j'aime pas la bagarre, moi. Rom coco. Mon tosti, je bois. J'ai bien. Je bois. Dis ça, Renaud, ça je bois aussi. Oh, je bois, yeah. Ah non, je suis pas sous l'arme. Tout le monde m'appelle le sous l'arme, moi je ne suis pas sous l'arme. Moi j'attends le point pété. Moi j'attends. Attends, point pété. Un bagarre. Je suis garé où? Eh hey, tout le monde là! Chut. Écoutez! Tout le monde! Ferme ta gueule toi! On va faire un truc! Quand je dis point, vous dites péter, ok? Ouais, ouais! Allez, c'est parti! Point, point! Allez, à poil! Ah putain, ils sont vraiment trop pétés ces cons! Bon bah, c'est parti pour le point pété! Ouais! À poil! Michel, Chou, c'est l'heure du point pété, viens. Allez, viens, Michou. Allez, point pété. Michel, Chou, c'est l'heure du point pété, viens. Allez, viens, Michou. Allez. Pour peser. Michel, c'est l'heure du point pété, tu viens? Ouais, j'arrive, allez, c'est mardi. Michou, s'il vous plaît. Bon, il me manque des jingles. Dans ma liste de jingles, Je sais que j'ai pas. Si votre jingle n'est pas passé, dites-le moi, mais moi je sais qu'il en manque au moins un que j'ai entendu et qui m'a fait bien rire. Et que pourtant j'avais. Il en manque pas qu'un, il en manque plein. Mais non, il en manque un, qu'est-ce que t'en sais toi? Tu les as pas écoutés les jingles. Jingle pété, jingle pété, jingle pété. On a entendu plusieurs fois les mêmes. Oui, mais après, je sais qu'il y en avait. Bon, écoutez, il y en a deux qui manquent. Et coupé-té. Je voulais trouver quelque part dans mes téléchargements. C'est quoi ce bruit-là? Ça saccade. Mais non, ça saccade pas. Bon, dites-nous si ça marche. Ça marche ou pas, les gars? Ça marche ou pas? Dites-nous sur le Discord. Ça marche ou pas? Alors attendez, du coup, comment je trouve le jingle? Est-ce que la personne qui n'a pas eu son jingle de diffuser peut m'envoyer une petite aide pour que je trouve son jingle dans mes téléchargements? Je pense que je vais peut-être le trouver dans Jingle Pété. Jingle. C'est dur. Ah bah ça marche alors. Super. Alors attendez. Je vais aller dans mes mails trouver le jingle de la personne. Qu'est-ce que t'as toi? Bon, en attendant, on n'a qu'à se mettre un petit son. On met celui qu'on n'a pas encore mis. Petit point pété, je parle de toi parce qu'avec ton petit pétou, ta petite pétoune, tu as vomi dans mes chiottes des milliers de fois. Je suis déjà pété, les bons cons entre eux ne parlent que de boire. Je n'en peux plus, j'aimerais tellement qu'ils arrêtent de boire. Petit point pété, je parle de toi parce qu'avec ton petit pétou, ta petite pétoune, tu as vomi dans mes chiottes des milliers de fois. Je suis déjà pété, les bons cons entre eux ne parlent que de boire. Je n'en peux plus, j'aimerais tellement qu'ils arrêtent de boire. Bah, clairement, moi, de tous les jingles que Julien a fait, c'est mon préf, celui de Francis Cabrel. Et Julien, il est pas d'accord. Hein, dit Julien. Ah. C'est pas ton préféré. Si, je l'aime bien. La cabane pour le jardin. Eh bien, tu m'étonnes, mon con, enculé. Petit point pété, je parle de toi parce qu'avec ta petite pétoune. Et franchement, il a inventé le mot pétoune. Et je tenais à préciser que de toute l'histoire des bons cons, c'est quand même Hugo Soulard qui a créé... La petite pétoune. Non, il a créé le pétou. Bon alors, c'est parti. J'ai téléchargé les deux autres jingles qui manquaient pour avoir notre liste de jingles en entier. Et c'est parti, on veut les écouter. Consonne. Voyelle. Voyelle. Consonne. Consonne. Consonne. Consonne. Point pété. POINTPT. Yes! Point pété. Point pété, le point pété commence, le point pété commence. Point pété, le point pété commence, le point pété commence. C'est le début du point pété. Alors Julien. Wow, c'était. Alors Julien, moi j'avais déjà entendu tous les jingles avant, en post prod comme on est. Du coup, je voulais savoir ce que t'as déjà, si t'avais un. Écoute, il y en a plein à la fin, ça s'enchaînait. Je savais pas trop quand ça commençait, quand ça finissait. Mais franchement, j'ai grave kiffé celui de Laura et celui de Doug. Celui de Laura. Lequel? Ah, ceux de Laura, parce qu'ils sont passés 10 000 fois. Alors attends, tu te rends compte que. Bah, tous. Laura m'a envoyé, elle m'a dit: tu mettras une musique. Elle m'a envoyé 3 trucs. Elle m'a dit: tu mettras une musique. Je lui ai dit: quelle musique? Je lui ai envoyé 2 messages pour lui demander quelle musique. Elle m'a jamais répondu. Et rien que pour ça, moi, je lui donne même pas un prix. Mais écoute, tu me demandes mon avis. Après, c'est oui, ce que bien sûr, bien j'ai sûr. Bien entendu. Les autres, j'avoue que ça s'est enchaîné. Non, mais attends, t'as attendu t'as... Bon, vas-y, vas-y. Moi, je te donne mon avis. Si, celui avec Motus, il m'a vachement fait. Mais vraiment, ça s'est enchaîné de ouf à la fin et j'ai pas tout compris. Quoi. Du coup, t'es 3. C'est quoi ton top 3? Top 3, écoute, là, j'en ai noté 2. Bah ceux-là, Laura, Doug et celui où ils étaient, la musique, il avait la musique de Motus. Là. Ok. Très bien. Mais voilà. Tu vois, moi, mon top 3, c'est également Doug, Motus et... Franchement, attendez, parce que faut que je regarde la liste. Et c'est un peu dur de trouver le troisième parce qu'il y a tellement d'ex-échos après, je trouve. Ah putain, c'est quoi ce bruit-là? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Bon bah je sais pas. Bon bah Julien, est-ce qu'il serait pas temps de terminer ce point pété? Qu'est-ce que t'as là? Oui. Là, alors là Julien il a passé un cap où il est tout rigolo puis d'un coup il fait la gueule parce mais qu'il non, est trop pété. Si tu fais. Est-ce que tu veux pas qu'on... J'allais fumer une grosse clope. Ouais mais t'as pas de clope, c'est ça le problème ouais, mon ami. Mais... Mon j'ai ami. J'ai envie de nicotine pour m'immuniser. Est-ce que t'as envie de réécouter un petit jingle? Quel jingle oui. Te ferait plaisir? Si avec ça je peux te faire plaisir, bah attends te faire plaisir. Tous. Tous? Eh ben c'est parti, on va écouter tous les jingles! Bonne soirée à tous, bonne soirée Julien. Salut! Et puis à la semaine prochaine! La semaine prochaine! Oui! Pourquoi tu fais la gueule d'un Mais coup? Je fais pas la gueule. Espèce de sale bâtard! Non, j'ai. Ah, sale bâtard! Putain! J'ai passé ma vie à affronter la pété. J'ai regardé ce que j'aimais vomir. Certains n'avaient bu que 3 shots. D'autres étaient si bourrés qu'ils ne tenaient plus sur leurs jambes. Mais l'heure est venue pour moi d'affronter la pété. Et si elle vient me chercher, c'est le point pété qu'elle trouvera. Rambo pété. Mais lui un truc grave. Rambo pété. Bientôt sur vos écrans. Non, bientôt sur Radio Bon Con. Ouais. Rambo pété. Bientôt sur Radio Bon Con. Faut que tu cliques pour que ça valide. Tu l'as fait? Oh putain. Rambo pété. Bientôt sur Radio Bon Con. Tout à l'heure, il y a un match. Et certains ont commencé à l'évoquer. Et à Marseille, on a un truc. Vous savez, c'est... Je sais plus comment c'est qui saute pas et pas marseillais. Alors je vous propose de vous lever. Et on va le faire ensemble. Allez, on y va. Qui saute pas n'est pas marseillais. OK? Qui saute pas n'est pas marseillais. Ouais. Qui saute pas n'est pas marseillais. Allez, allez. Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas... Pété. Qui saute pas n'est pas... Pété. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements au nom belle Emmanuel... Pété. Le point pété. C'est l'heure du point pété. Branche ton Walkman et écoute. Le point pété va tout déchirer. Le point pété. Et Julien est pété. Il a les yeux qui le point pété. Oh, regardez. Oh, j'ai à remonter là.